Garde un œil fixé sur la rue, j'ai la bonne cadence. Si t'as pas la carrure, laisse assure la permanence. C'est mixé, vodka et rage, c'est boss, tu me remets. Putain de solidaire comme un Renoir devrait l'être à 22 mai. Mec, t'adhères au truc ou pas? Rien à foutre, je suis coupable. Si la nature fait bien les choses, autant fermer la foudre. J'ai pas de soupape, de sûreté, je fous la merde. Tu me vises ici le coup pas. Dans le trou, dans la légende comme Tupac. Mon crew, mon gang acquiesce. Tu prends le microphone, trou le beat et repars avec la caisse. Je prends ma part, rap dans la caisse. Le kick, les Shirley, mais qu'est-ce qu'on attend pour mettre le fire et hurler notre haine à Gaïa. Élevé à la dure, je suis pas la solution dont tu parles. Dis-moi mon chèque, on fera la révolution plus tard. Du sexe pour la vie, je m'ai cru, check. La plupart des mecs parlent de la rue, mais combien la vivent? Tout le monde veut sa part du steak, mais la bête est malade. Rares sont ceux qui graillent dans la zik et combien en vivent. Quand nous on voudrait être sourds, eux voudraient qu'on se taise. Qu'on reste en dessous, qu'on se taise. Donc je rentre dans l'instru, où est ma chaise? Mec, fais-le ou crève. La réalité c'est un cauchemar pour ceux qui rêvent.